mélancolique. Dans la douceur du printemps, dans la joie les fleurs attendent. Il pleut, pétille les gouttes, les fruits colorés grossissent. Les oiseaux résonnent dans l'air, étudient les pâquerettes dans leur beauté toute simple. La couleur leur tombe du ciel, la couleur tombe sur leur tête. La tristesse, la merveille, d'en haut et jusqu'en bas, chaque goutte donne sa vie. Les roses s'élancent toutes belles dans le ciel. Son parfum est construit avec les larmes des amours perdus. Et que disent les pâquerettes dans leur beauté toute simple? La couleur leur tombe du ciel, la couleur tombe sur leur tête. La tristesse, la merveille, d'en haut et jusqu'en bas, chaque goutte donne sa vie, sa vie, sa vie. Écoute la pluie, regarde la beauté, regarde cette œuvre, regarde notre planète. Avec les larmes de nos amours perdus, construire sa vie en goutte à goutte.